avait la ligne Maginot, les Allemands l'ont. We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line as we value your call. Eh oui, ils l'ont fait. Le retour. Hotline Maginot épisode 3, personne n'y a cru. Les musiques d'ascenseur, là. Même pas nous. Qu'est-ce qu'il y a, musique d'ascenseur? Oui, on a le droit. C'est pas grave. Okay. Même si on s'entend pas nous pendant qu'on enregistre, ça marche pendant le truc. Ne faites pas chier. Incroyable. Ça fait le quatrième épisode qu'on enregistre. Maintenant, j'ai compris comment marche ce putain de logiciel. Ouais, on est des bons maintenant. Ouais, on commence. On est bons, comment ça va? Je pense. Bah, ça va et vous, hein? Ça va super. Après aussi. Cette petite pause estivale, disons. Ouais, bah on a enregistré le mois dernier en soi, on n'a pas fait de pause. On est à quand même un rythme hein. De croisière. On à était 3, à 1 toutes 3, les 2 semaines. 3, 4 et là, semaines, à... ouais. Et là on est à 1 ouais, tous les mois. Ouais, bah pense. Ça va. On est régulier, on est de toute façon, personne n'écoute. Ouais. C'est vrai, personne n'écoute. Non. C'est abyssal. J'hésite à recréer une page Spotify pour le podcast. Ah oui, d'accord, carrément. Ça me tente de plus moi, en plus. Eh bien, écoute, pas plus tard que samedi soir, j'en ai parlé à quelqu'un et j'ai pris son téléphone, je me suis abonné. Enfin, je l'ai mis dans sa playlist, quoi. Très, très bon. Tu sais que je l'avais fait en cours d'anglais à Lizen, ça. J'avais forcé tout le monde à s'abonner. Donc, si je fais ça plein de fois, aura plein de gens. Forcé, mais ah ils bah, seront là. Oui. Ils n'écouteront pas, mais voilà. Ils seront là. Comment ça va depuis tout ce temps? Les vacances se passent bien? Ça va super, pas de vacances, ouais, mais ça va. Ouais, pas de vacances, ouais. Si t'as des vacances, mon gars, t'as des vacances. Non, tu fais du bateau tous les deux jours, qu'est-ce que tu me racontes? Mais pas du tout, je peux en faire deux jours d'affilée, ouais. C'est pas pareil, t'as confondu. Navigateur, ouais. Non, mais c'est ouais, voilà. Imposant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps, Kylian? Est-ce que tu as une petite actu qui te traîne? Une actu. Ah ouais, moi j'ai une petite actu perso à vous raconter, c'est pas mal. Donc on est allé au mariage de nos potes. Ah ça y est, j'ai raconté. Voilà, on a eu le mariage. Alors mariage très cool. Bon, il y avait Monsieur le sénateur, hein, comme j'aime à l'appeler. Et voilà. Non mais en fait il y avait toute la famille et tout, donc quasiment que du marié parce que la mariée elle a pas beaucoup de famille et tout. Ça se passe très bien. Je me demande pourquoi, pas tiens. Très beau. Il fait pas très beau et tout. Bah, tu veux de la vraie raison? Parce qu'elle est totale nazie. Non, parce qu'elle a été adoptée et que ses parents ont 70 ans tous les deux. Voilà, t'as demandé. Aïe. Moi, je m'en fous, les nazis, j'ai aucun remords contre elle. Alors, à ce qui paraît, pas tant que ça, mais ça reste. Bah, Kylian, c'est toi qui nous l'as dit quand même. Tu peux me dire après, tu changes d'avis là. C'est ta pote à toi, hein. Donc, on a fait, on a le mariage tout. Il a un peu plus le matin. On va, on fait la mairie tranquille. Il fait bon, il fait beau. C'est un beau domaine, un beau château qui fait partie du domaine public, mais parfait. Et puis, évidemment, famille très catho oblige. On passe par l'église. Donc là, bon, pas très. Tu brûles en entrant. Déjà voilà, mais pas trop dans mon élément. Parce que je dis très catho, mais très chaud, donc. Tout le monde fait l'église, ouais. Même les gens qui sont beaucoup moins catholiques. Fin... Ouais, mais eux, très catho. C'est pas juste une phrase. Ils avaient prévu des chansons, ils avaient des petits livrets avec les paroles. Enfin, tout était bien cadré, oh franchement. Là là. C'était hyper cadré. Il y avait le père, il avait la voix de Zizou. On était très très bien. Donc, ça dure des plombes. Mais c'est effroyable, hein, vraiment. Et en plus, ils te font te lever, puis te rasseoir, puis te relever, puis te rasseoir. Ils parlent quatre fois en latin, tu comprends rien. Et ensuite, il y a des chants, et tout le monde chante. Parce qu'en plus, du coup, famille tricato, donc tout le monde connaît les chants. Ou ceux qui ne connaissent pas, au moins, ils ont les livrets devant eux pour chanter. Et c'est 10 coups de fouet, okay, si tu te trompes, il me semble. Alors, après, dans la voilà, pure tradition. Sachant qu'ensuite, il y a l'hostie et le vin. Que les enfants, ils sont allés se resservir deux fois de l'hostie quand même, donc faut pas déconner, hein, ça coûte de l'argent. Gourmand. Allez, gourmand du Christ. Gourmand du corps du Christ. Ouais, c'est ça, ils veulent manger le corps. Mais là, ok, donc vous vous dites, jusque-là, rien de bien spécial, un peu classique. Puis vient un peu le moment de la fin, et on regarde, enfin, avec Noémie, on regarde un peu autour de nous, et puis là, il y a une dame qui se lève, qui était là un peu depuis le début, qui fait partie d'aucune des deux familles, et qui a un petit panier, qui commence à passer un peu dans les rangs, donc elle fait la quête, voilà, classique. Ah ouais. Jusque là, classique, vraiment rien de fou. Puis, avec Noémie, on se regarde, on fait, bah, vas-y, on regarde ce qu'on a dans le portefeuille. Moi, j'ai aucune pièce. On se rend compte qu'on est comme deux cons avec pas de pièce. Je fais, j'ai un billet de 5, mais hors de question de claquer un billet de 5 dans les billets, quoi. Je parle comme si c'était un billet de 100, hein. Ouais, ouais, c'est scandaleux, ouais. De claquer un billet de 5 pour l'église et tout. Et puis, je vois le panier approcher et tout. Et en fait, il y a un TPE je dans sais, le panier. Et voilà. Voilà. Oh. Mais c'est même pas genre, il y a un TPE dans le panier, c'est le panier. Le panier TPE. TPE intégré. Voilà. C'est le panier TPE. Incroyable. Et là, du coup, t'as donc, fait comment? Ah, bah, du coup, j'ai sélectionné, parce que pareil, les montants sont prédéfinis. Donc, j'ai donné 3 balles, voilà. J'ai donné 3 balles à l'église, et j'ai payé avec c'était mon téléphone. Le minimum? Ouais, le minimum, c'était 3 balles, ouais. Il y a pas un bouton du style je veux mettre mon propre montant? Putain, les arnaqueurs. Bah, peut-être, mais c'est allé très vite. Donc, oh là ouais, là. J'ai cliqué sur le premier truc et. Ils sont forts. Voilà. Donc, t'es obligé vraiment, de... je l'ai senti. Bah. Non. C'est des conventions sociales, disons. Non. Et en plus, moi, j'aurais dit non. Oui, côté, mais c'est l'église, par exemple. On les baisse, tu vois. Non, mais c'est globalement. Non, mais attention. Les religions, attention. Toi, tu l'as plus fait pour les gens pour qui t'étais là, pour pas passer pour celui qui veut pas donner le jour du mariage, quoi. Et c'est ça, ouais. Et puis surtout, ben, tu sais, genre, les gens suivaient du regard la dame de la quête. Donc je pense que les gens regardaient un peu aussi qui donnait quoi. Et j'avais pas envie, tu vois, le truc de Monsieur Burns qui donne un billet et qui fait la monnaie dedans. Bon, bah voilà, j'avais pas envie d'être ce. Putain, j'aurais pu faire ça. J'avais bah un billet ouais, 5, j'aurais pu faire la monnaie. Ouais. Il y avait des pièces dedans? Bah oui, les gens donnaient des pièces, il y a des gens qui avaient des pièces. Putain. Après, c'est pas mal, t'es peu. Personne sait ce que t'as donné, quoi. À moins qu'il y ait une énorme voix qui fait 3 euros. Le paiement refusé, là, la quête de l'église. Ah, ben, j'ai pris un paiement refusé sur la première mais pas un paiement refusé, c'était le sans contact a mal marché. Et... Ouais, ouais, on dit tout ça, ouais. Ah, ben, je vais essayer avec une autre carte, alors. Voilà. Et donc, voilà, un peu pris de court et tout, mais j'ai vraiment vécu comme une belle escroquerie. De quoi? Ah non, on a donné une fois pour deux par contre, hein. Ça fait 1,50€. Ah, quand même. Plus que ce que vous avez eu à la fin de votre stage en entreprise. C'est ah, vrai. Plus que ça, bien entendu, oui. Tu donnes plus qu'à l'église que tu ne reçois, c'est beau, hein. Un vrai cadeau. Une leçon de partage qu'on est en train de vivre. Non, mais je l'ai hyper mal vécu, enfin pas je l'ai hyper mal vécu, mais franchement quand j'ai vu TPE arriver, j'ai eu un grand sourire, tu vois, genre vraiment en mode ah ouais quand même, tu vois. Et moi, c'est ma grande théorie que si les SDF avaient des TPE, je serais pauvre. Hein. Enfin, je serais à leur place, quoi. J'aurais tout donné aux SDF. Mais il y en a déjà. Hein. J'ai vu des photos sur X. Ouais, j'en ai vu quelques-uns, ouais. Après, j'en ai jamais vu de mes propres yeux. Moi, j'en parlais déjà à l'époque. Moi, je disais, c'est l'avenir. Après, ça commence à arriver. Eh ben, comme quoi, ça commence par l'église et ensuite les clochards. Mais sinon, il y a une astuce pour l'église et les clochards. Ah. Tu vas à l'église, j'ai tout donné aux SDF. Ah. Et tu croises un SDF, tu dis j'ai tout donné à l'église. C'est fort. Voilà. Après, tu peux Dieu donner aux SDF aussi. Dieu, il donne déjà. D'accord. Il donne la foi, comme disait Ophélie Winter. En tout cas, ouais, donc petite escroquerie, mais organisée. Ça va. Tu vas t'en remettre. Je pense que je vais m'en remettre. J'en suis un peu remis. Ouais, financièrement, ça devrait. Parce que tu t'es arrêté à l'église, mais après, t'as bien mangé à la réception. Ouais, il y avait une paella. Alors bah voilà, faisons la suite de la journée. Si franchement si, enfin genre on est arrivé du coup à un autre truc. Il y avait comment dire un peu des trucs racistes, de paille ça et ça tout. La fout mal hein, quand même. Hein. Bon, on a fait ça, ils ont fait ça dans une manade, donc un truc où il y a des taureaux et des chevaux et tout. Ah, on la retrouve. Et en gros donc on arrive, tu sais, il y a l'entrée des mariés, il y a une meuf, elle a failli foutre le feu à la moitié du, enfin à la moitié du pays, parce qu'en fait il y avait des trucs. De paille hyper sec et c'est con de enfin même les organisateurs hein, qui ont fait, mais en gros ils ont passé tu sais les trucs que tu mets sur les gâteaux d'anniversaire qui fait plein de petites étincelles. C'est complètement con. On oui. appelle ça une bougie ouais. Non mais ceux qui font des étincelles. Vraiment ceux qui font des étincelles. Bah elle a foutu le feu au truc, ça a pris feu, ça a duré, ça en a fumé deux du coup, deux à côté l'un de l'autre. Ça a été le deux feu invités, a été maîtrisé, hein, ils parlent. Le feu a été maîtrisé. Mais voilà. Et après non, sinon on a plutôt bien mangé. Paella était pas géniale. Il y avait qu'un seul morceau de chorizo et encore le mec, je suis allé demander, je fais bah c'est quoi comme viande, enfin comme saucisse tout ça. Il me fait ah c'est de la saucisse de Toulouse épicée. Je bah du coup c'est pas une paella parce que c'est vraiment pas du chorizo quoi. Oui mais au moins c'est du raciste. La saucisse de Toulouse vraiment. Oui mais au moins elle est faite pas loin tu vois. Ah non, mais c'était pas leur choix. Quand on en a rediscuté et tout, ils étaient en mode, bah, nous, il y avait du chorizo, non, ils nous ont dit, il y avait un jambon en principe à la découpe, tu sais, la grosse cuisse de jambon cru à la découpe, Il y avait pas du tout. Ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis du tout. Il y avait de la sangria. Les 72 saucissons volés au champ. C'est vrai, putain. Là. Non, il y a pas ça. Par contre, il avait pris. Tu sais, il y a le lancer de bouquet de la mariée. Donc jusque là, ok. Ça aussi. Et ils ont voulu faire un truc un peu original. Ils ont voulu faire un lancer pour le marié aussi. Ils ont lancé quoi? C'était censé, c'était censé être un saucisson de 1 mètre. Sauf qu'en fait, les mecs du traiteur, quand ils sont arrivés, ils ont coupé le saucisson, ils l'ont mis sur des plateaux. Du coup, ils ont fait, c'est du saucisson, on peut le faire à manger pour l'apéro. Et du coup, c'était quoi le projet pour, Il le lance comme un javelot, le saucisson de 1 mètre? Ouais, c'est ça, et le mec il le récupère, il est censé se marier dans l'année, enfin, genre vraiment le même principe que le bouquet avec un énorme saucisson. C'est fin, okay, comme voilà. Et après, non, sinon, bonne soirée, on mangeait, c'est pas trop mal, il y avait des tartes au dessert, c'était pas une pièce montée, ce qui est très bien. Ça changeait un peu, et voilà. Donc attends, ils sont pas entièrement dans la tradition? Et non, ils sont entre tradition et modernité. Mais voilà pour mon actu perso, les gars, Tu veux enchaîner, Brice? Moi, j'y pensais, mais il n'y a pas trop d'actu. Hein, la vie suit son cours. Métro, boulot, dodo, comme on dit. T'as oublié, espèce d'enfoiré. T'as vraiment pas bossé, mon gars, en vrai. Non, quoi d'intéressant? Oh, il nous a sorti une phrase. Quel enculé. Ouais. Non, mais vous savez, la vie. Métro, non, en vrai. Métro, boulot, dodo, vous savez. Tu nous parlais de réception. Et ce week-end, on a fêté l'anniversaire de ma belle-mère et de ma copine en même temps. C'était un double anniversaire. Du coup, c'était sympa, voilà, on a très bien mangé. Il y avait une pièce montée, pour le coup, voilà. Et, tu peux raconter ce que t'as fabriqué aussi? Et ouais, il y avait les petits magnètes que j'ai fabriqués en souvenir pour les invités. Il y avait trop plein cool, de... tu l'as pas montré? Non, je t'ai pas montré. Je te montrerai après. Ouais, Il y avait, c'était un buffet, il y avait plein de petits trucs très bons à manger. Il y avait des cocktails préparés très très bons. C'est toi qui les as fait, les cocktails? Oui. Ouais, voilà. Il sortait de quel livre? Pas du vote, parce qu'il n'y avait pas la recette pour 5 litres dans le livre. Il suffit de multiplier pour que ça fasse 5 litres. Hein. Oui, mais c'est plus. Mais je pense que dans le livre, tu te retrouves avec une 5 litres pour 200 euros, peut-être, je pense. Voilà, c'est les ingrédients qu'il y a dans le livre. Là, il faut savoir s'adapter, tu vois. Et voilà, okay, très belle soirée. Voilà. C'était la petite actu du week-end. Cool. Et toi, Julien? Moi, je vais passer un coup de gueule. J'en vois du lourd là. Non, moi vous le savez, je suis un gars du casque. Moi j'écoute tout au casque, je regarde la télé au casque. Et il y a un phénomène qui m'énerve, ce sont les pubs où il y a une sonnette. Car je crois que ça sonne chez moi après. Ah. Et non mais je t'arrête de le dire. Tu connais ta sonnette et c'est jamais la même que dans ce que t'entends. Si, il y en a une. Elle est terrible, c'est la même que moi. Et je vous le dis, c'est la pub Milka, en tout cas qui est diffusée en Allemagne. Je vous lis verbatim ce que j'ai écrit dans mes notes. La pub Milka va te faire enculer. Voilà, je vous le dis. C'est de la grosse merde. À chaque fois, j'ai une demi-stress. Il y a aussi une pub pour un truc de livraison, là. Je sais même pas ce que c'est. Oui, pique-nique. Et à chaque fois. Non, je sais pas, c'est un truc qu'il y a que en Allemagne. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est trop de la merde aussi. La sonnette, c'est la même que chez moi. J'en ai ras le cul. J'ai une demi-seconde de peur. C'est ça qui va me tuer à la fin. Je vais en crever mais de ça. Pourquoi en fait. T'as peur? Si ça sonne, ça sonne dans tous les cas. Enfin, au pire, tu va ouvrir. Ça t'a l'air un peu. Je me fais harceler par les témoins de Jéhovah à tout moment. Ça peut. Est-ce que tu vis la porte ouverte ou tu fermes dès que t'arrives chez toi? C'est-à-dire? Ferme à clé. Mais je veux dire, tu laisses pas la porte ouverte. Ouais, mais dans tous les cas, je suis dans un immeuble et tout, donc. Oui. Donc y a pas à avoir peur. Oui, voilà, y a pas à avoir peur. Du coup, ils sont loin. Non, mais il y a un truc de, il faut que je me lève, enfin, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a une montée d'adrénaline, quoi. Surtout que t'attends personne, en fait. C'est ça qui est stressant. C'est ça. Et témoins de Jéhovah, t'en es où? Mais j'ai l'impression qu'ils viennent de temps en temps et je leur ouvre pas. Ah, j'en ai pas la preuve concrète. Je travaille, j'en aurai le cul, j'ai pas envie de leur parler. Ah, d'accord. Chaque fois, ils sonnent à 15h, j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai des nouvelles de Maël, je sais pas si vous vous souvenez. Qui a essayé de me recruter sur Telegram. Ah oui. Je n'ai pas donné suite chercher une mail du lycée à son ou quoi, entreprise. Et non, on s'en fout. Et tous les jours, elle m'envoie un message maintenant d'inspiration. Lundi est bien plus que le début d'une semaine. C'est un doux rappel que chaque jour est une occasion de prendre un nouveau départ. Ils attendent à ce que je réponde, mais je répondrai plus. Quoi. T'as mis une appli d'horoscope et tu te souviens pas et tu confonds avec Telegram, c'est tout. Parce que elle m'a donné le lien de l'arnaque et du coup je me suis pas inscrit et maintenant elle essaie de me rattraper. Et pourquoi tu t'es pas inscrit? Moi j'aimerais que t'ailles. Parce que il faut mettre son numéro, mais je vais le faire, mais tant pis, après je vais changer de numéro. Bah sinon tu fais avec le numéro de douane. Ah bah oui, bien sûr. Allez, bah... bonne idée. J'y avais pas pensé. Merci. Numéro de ton taf ou un truc comme ça. Ouais, ton taf. Non mais au pire, je vais essayer, si vous voulez, je vous donnerai la suite la prochaine fois. Mais là, le scam m'a l'air trop bien fait. Il n'y a pas un moment où ils te donnent 3 euros et où toi, tu leur en donnes 20. Moi, j'ai l'impression que là, c'est juste ils vont prendre des sous. En fait, tu vas juste trouver un vrai travail, là. Oui. Voilà, ça se trouve, je vais me retrouver à devoir travailler et tout, en plus. Non, je vous dirai. Non, mais ouais, tu nous feras le point. Actu du jour. J'ai vu passer sur Twitter qu'il y a une start-up américaine sponsor par Bill Gates qui a créé du beurre. Moléculement, genre molécule par molécule à partir de carbone, genre le dioxyde de carbone, quoi. Et du coup, il n'y a pas de souffrance animale et même écologiquement, ils utilisent moins d'eau que n'importe quoi, quoi. Putain, truc cool. Et je me disais que en vrai, c'est pas mal pour le beurre, mais est-ce que finalement, vous, si demain on commence à imprimer en 3D, genre des chicken wings, tu vois, est-ce que vous en mangeriez? Je pense que ça sera plus subtil. On ira dans un KFC, on saura pas, et en fait, en coulisses, ils seront en train d'imprimer des trucs. En coulisses, parce qu'il y a des sociétés secrètes. non, moi je là, pense ils ont que imprimé oui, du je pense beurre. Que... Je pense que en fait, ouais, le beurre, autant c'est ok, mais. Ouais, mais de la chair, tu vois. Ouais, mais du coup, ce sera pas vraiment. Est-ce que ça de va la pas nous rendre tous nous vegan, cette histoire? Bah, en fait, c'est ça. Est-ce que c'est. Ils créent de la vraie viande, mais sans la partie souffrance animale, ou est-ce que c'est pareil, c'est des simili comme il en existe déjà? Ah non, plein. C'est du vrai truc. Là, le beurre, ils ont créé moléculement. Il est bon, c'est le même goût, c'est le du beurre, en fait. C'est juste, il n'y a pas eu de... La vache n'a pas fait de lait pour avoir ce beurre. Bah, je pense que ouais. Je pense que oui, parce que du coup, ça revoit totalement le modèle actuel, donc ce serait très cool. Ah, je sais pas, de la fausse chair, il y a moyen que finalement... Parce qu'on va avoir un moment dans l'histoire de l'humanité, on va dire, bon, les animaux, on arrête de les faire chier. Donc on va pas chier pour le beurre, ça va. Mort, ça sera le dernier truc, le beurre, à partir. Le beurre et le lait, ça va. Bien sûr que si. Mais ouais, les Bretons. T'es jamais allé à la ferme ou quoi, mec, les vaches? Bah si, mais entre tuer la vache ou juste prendre son lait, ça va, il y a. Ouais, mais tu sais comment c'est produit le lait? C'est la même chose que pour les nourrissons, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bébé. Et oui, ensuite, on enlève le bébé pour après. Récupérer le lait. Ouais, c'est. Oui, donc ça reste pas c'est marrant, hein, même si c'est que du lait, ça reste pas marrant, quoi. D'autres conneries à dire, Brice? Non, mais j'avais une tu question. Tu as bien fait fermer son claque-merde. J'ai une question. Cette start-up, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, donc. Exactement. Ah, cool. Allez. Ils vont imprimer le cul de la crémière en 3D aussi. Non, mais ouais, moi je pense que de la chair imprimée en 3D est bizarre et tout. Il y a moyen que ça me rende végétarien, moi, cette histoire. Parce que si on arrête de faire souffrir les animaux et que derrière on a cette merde. À moins que ça dégoûte. Mais je pense qu'avant de nous imprimer de la viande, on nous imprimera des trucs plus cool, genre du pain et tout, tu vois, des gâteaux, pour nous appâter. Non mais ça, quelle est la souffrance animale invoquée dans le pain et les gâteaux? Ah mais je sais pas, mais non mais... Vegan, qui existe, ça, c'est par étapes. D'abord, on te dit la bouffe imprimée en 3D, c'est ok. Après, on te dit la viande imprimée en 3D, c'est ok. Et on y verra que du feu à la fin. Putain, toi, t'es... Ah, bah, je travaille chez eux. Si c'est réutilisé du CO2 et tout, ça a aussi un impact positif sur l'écologie, donc ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est ça, c'est non, ça. Il y a un vrai truc où en vrai, ouais, en vrai, si. Après, faudrait voir, tu vois, genre, moi je me dis, c'est un truc que tu testes. Si derrière, t'es en mode, franchement, c'est la même chose, et tu sais juste que derrière, il n'y a pas eu de souffrance animale, bah pourquoi pas. Mais il doit coûter très cher, ce kilo de beurre, là. Ça. Pour l'instant! Je suis pas renseigné, mais j'ai vu que il y avait des restos Michelin et tout qui l'utilisaient ce truc. Ah ça c'est un. Ils ont signé les contrats tout ça. Ah, c'est donc fort. Pas mal. Dans tout le cas c'est le même goût, c'est la même chose. J'ai vu un truc un peu. Alors c'est pas de la nourriture du coup, mais en fait ils arrivent à faire du sans-plomb quoi, de l'essence. Pareil, juste avec de l'air. Juste avec de l'air Alors, c'est j'ai faux, pas vu exactement comment fonctionne le système. si, franchement, c'est un vrai truc qui va être commercialisé. Faudrait que je retrouve, attendez. Mais il y a déjà les bio-essences, un peu, les bio-carburants. Ça s'appelle souffler sur la voiture, je crois. On met une voile au-dessus, et après, il y a de l'essence, du coup, et ça avance. Magie. Hein. Ah voilà, j'ai retrouvé. Produisait de l'essence sans pétrole, ni forage, ni pollution. Une start-up américaine a fait en avoir relevé le défi. Dans une démonstration aussi discrète, bon, bah, c'est Ursula, ça s'appelle. Dévoilée à Manhattan, la machine conçue par Ursula, à la taille d'un réfrigérateur, son fonctionnement repose sur un double procédé. Elle capte le dioxyde de carbone directement dans l'air ambiant. Elle le transforme sur place en essence propre, prête à être utilisée dans n'importe quel véhicule. Mais espère ça utilise l'électricité du coup. Bah, pour, enfin, je sais pas, peut-être, je pense. Ça utilise 2 litres d'essence pour en faire un. C'est le problème. faut mettre une turbine derrière. Non, mais ouais, en c'est gros, un moteur super chiant. Je lis un peu vers la fin. Ouais, j'ai pas tout le détail, je vous avoue. J'ai pas plus de détails là-dessus, sur comment vraiment ça fonctionne. Est-ce que c'est ça capte et croire, à l'intérieur il y a des trucs, naturels qui font que, ce qui m'étonnerait, mais je sais pas, à voir. Mais bah, du coup, cas, voilà, on garde un œil là-dessus. Du coup, ça va être quoi le prétexte des Américains pour partir faire la guerre contre les Arabes maintenant? C'est, on doit retrouver. Voler leur l'horaire. Ouais, juste le racisme, je pense. Hein. Il y a toujours l'excuse de. Non, mais il a raison. Liberté, ils vont prendre l'horaire. Ouais. Ils ont plus d'air là-bas. Non, mais juste une question de liberté à propager, c'est tout. Ah ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Bon bah. Énormes actus. Actu écolo. En invité, j'aimerais. On a toujours pas une nouvelle des autres, mais j'en ai constamment. Je voudrais quelqu'un qu'on invite quelqu'un qui a une boutique avec un jeu de mots sur la devanture, ou bien qui utilise la police d'écriture de Disney. Je sais que Brice, on en est très fan. Ah. À Lyon, on peut l'avoir directement. On peut aller le chercher, hein. Parce que c'est encore vrai. Ouvert, hein. Ah bah bien sûr, on sait où ils sont. Ouais. Ah voilà, je veux quelqu'un, voilà, soit un jeu de mots, soit une écriture de Disney. S'il y a les deux, c'est magnifique. Et puis voilà, contactez-nous. Ah là où c'est con, c'est qu'aujourd'hui il aurait pas pu être là parce qu'il y a Lucas avec nous, donc on est déjà 4. C'est vraiment dommage. Putain, c'est vrai, merde, on avait promis qu'il y avait Lucas sur cet épisode. Non bah merde. Ouais, Lucas, il sera là sur le prochain. C'est promis. Ah ouf. Ouais. Alors. Je l'ai vu à Paname, hein. Il a pas vraiment l'intention de venir, quoi. il est en mode, il sera non, là. Bah. Et moi, bah, j'ai un jour. Il y a des fans qui m'ont demandé s'il existait vraiment, sur les réseaux. Ah, ben oui. Ah, comment on passe pour des menteurs, en plus. Je peux envoyer son adresse, hein. Je peux envoyer son adresse, si vous voulez. Des gens, j'ai vu sur Twitter, il y a des théories comme quoi il serait décédé en 2020 et qu'on ment aux gens. C'était pour ça qu'on a arrêté le podcast une première fois. Bon, bah là, déjà, hier, non, ou avant-hier, je sais plus, je l'ai inscrit sur, pour une assurance auto, sur le Lynx, pour qu'il se fasse rappeler par les conseillers, pour qu'il assure sa voiture. En vrai, c'est cool, au moins, ça se trouve, il va juste payer moins cher son assurance à la fin de l'année grâce à toi. Ouais, il a pas de bagnole, donc. Ah bah, ouais. Carrément. Voilà, j'ai fait ce petit truc, je me suis dit que ça allait lui faire plaisir, il aurait du contact avec le genre humain. Ce qu'on va faire, c'est que par épisode, on va leak un numéro de son numéro par téléphone. On commence par le 0, par cet épisode. Ouais. Voilà, on verra où ça part. Non, on peut l'inscrire à un truc à chaque fois aussi. Aussi, oui, on peut faire un petit. Ah bah, commun, alors, sachez que moi, quand il y a 3 ans à peu près, il m'avait inscrit sur Reconquête, donc ce connard. Donc je recevais des messages Reconquête. Prenez votre destin ou le destin de la France en main. Mais je crois que le problème, c'est que tu t'es pas désabonné depuis. Ouais. Non, depuis, je suis. Ah, ok, ah, ouais. Oui, c'est pas parce que t'es inscrit que tu dois voter pour eux après. Hein. Voilà. Bon, ah, moi, je pensais que ça fonctionnait. Ouais, ça marche pas comme ça, ouais. Autant pour moi. Autant pour. Non, voilà, mais on peut l'inscrire sur tout plein de choses, Lucas. Je sais oh, que oui. Ça fait plaisir. On va trouver. Comment allait votre. Comment va votre région, en fait? Comment allait cette Bah, écoute. Comment va votre Si vous voulez, je peux ouvrir le bal si ça vous dit. Vas-y. Ah, allez. Et on va commencer. On va juste lire l'article parce que rien que le titre est fabuleux. Parti néo-nazi allemand, 2 points. Après la star du porno, l'affaire du gâteau pénis. Ouais, je pense qu'on est sur. c'est sur un des meilleurs titres que la presse nous a offert. Alors ça date un peu parce que ce parti néo-nazi n'existe plus vraiment. Mais c'était le Parti National Démocratique Allemand, le NPD, qui maintenant est un peu moins présent, disons. Vu que c'est l'AFD, les vrais nazis d'Allemagne. Ouais. Donc voilà, pour vous résumer, le parti machin, une formation politique raciste, anti-immigré et antisémite. bon, souvent accusé d'être une organisation néo-nazie, mais à coup de pas, j'avoue. donc ouais, ils ont eu plein de problèmes avec des interdictions, et en gros, ils ont eu deux affaires, disons critiques pour leur parti, mais de, qui est quasiment de l'auto-sabotage. Donc d'abord, il y a eu, c'était en 2014, il y a eu fin mars, le cas de Ina Groll, alias Kitty Blair, une ancienne star du porno qui avait quitté le milieu pour représenter le parti, et dont les membres, voilà, c'est des gros nazis, et donc voir une meuf un peu comme ça, c'est rigolo. Mais le problème, c'est que le parti a décidé de couper les ponts. Je fais mes recherches, là. Ah oui, j'ai pas regardé à quoi elle ressemblait, Kitty Blair, pardon. Ah si, si, j'ai vu une photo, en plus, tout à l'heure. Très nazi, en effet, elle a l'air, elle a l'air très sympa. Mais elle s'est fait virer du parti, car, dans sa carrière, elle avait couché avec des Noirs, et ça, c'est interdit chez les nazis. Oh putain. On ne veut pas en entendre parler. Ok. Et ensuite, ils ont eu l'affaire du gâteau pénis, et c'est ouais. Un des cadres du parti, qui s'appelle Peter Marx, donc secrétaire général, donc le numéro 2 du parti. Et lui, il a fait une soirée où il était un anniversaire avec notamment cette femme-là, la Kitty Blair, Ina Groll. Et il y avait présence d'un gâteau pénis, donc un gâteau en forme de pénis. Et ça, apparemment, chez les nazis aussi, ça ne passe pas. Donc comme quoi, ils sont arrêtés. Hein, ils sont sévères, hein, ces nazis, quand même. Hein, ils ont... un peu autoritaire, je trouve. Hein, un petit peu autoritaire ouais. Sur le choix de gâteau. Tatillon. Mais peut-être qu'on n'a pas toute la... Peut-être que le pénis était noir sur le gâteau, tu vois. Non, il y en avait plein, parce qu'il y a les photos Facebook et il y a plein de gâteaux pénis cette soirée. Ah. Lui, il a l'air très content d'être là, en effet. Ah. Et les gâteaux pénis sont présentés à la foule. Voilà, les gens sont contents. On les voit pas spécialement découpés en plus. Hein, les gens ont l'air fiers de ces gâteaux pénis. Donc. Mais ouais, en plus c'est vraiment des cons, hein, parce que il y avait le président allemand qui l'avait traité de gros cinglé. Il l'avait mal pris. Derrière, il vire les seuls gens qui veulent leur parler parce que il y a un gâteau pénis et que l'autre elle a couché avec des noirs. Donc. Un petit peu con. Mais voilà, ils ont disparu du paysage politique. Donc on les laisse s'autodétruire par eux-mêmes. Puis tout le monde a toujours des héritiers qui reviennent, hein, dans tous les cas. Hein. Ça ne s'éteint pas comme ça. Hein. Et sur ce, j'ai un petit jeu pour vous. Le jeu s'intitule Nagui ou Nazi. Ok. Donc, je vais vous énoncer des noms. Est-ce que ce nom figure sur la page Wikipédia du présentateur Nagui ou est-ce un député du Rassemblement National ? Le jeu est clair. Ah. Est-ce qu'il y en a qui sont les deux ? Il n'y a pas les deux, hélas. Mais j'ai pris des noms un peu marrants. Et on commence tout de suite avec Manon Bouquin. À votre avis, Nagui ou Nazi ? Nazi. Nagui. Nagui. Député 4e circonscription de l'Hérault. C'était bien une Nazi. Oh. Alors ça... Putain, 4e circonscription. C'est pas très loin chez moi. Ludovic Bourse. Nagui. Nagui. Oula. En effet, c'est le co-compositeur du film Mes Amis, où Nagui fait une apparition en interprétant le rôle de Nagui. Ah. Gilbert Carpentier. Nagui. Nazi. Producteur d'une émission de Nagui dans les années 90. Stéphane Courbit. Nazi quand même. Elle est nazi. Ouais, nazi aussi. Non, il a racheté la société de production de Nagui. Il avait un nom de merde, je me suis dit c'était... Nicolas Dragon. Dragon. Nagui aussi. Ouais, allez. Et non, député, enfin, première circonscription de l'Aisne. On est très fort. Ah, moi, au début, c'était un sans faute, les trois premiers. Après... Ah. Églantine Émeillé. Nazi. Ah, Églantine Nazi, oui. Et non, présentatrice d'une émission que Nagui a produit. Fort. Faut que t'arrêtes de m'écouter, Brice. Hein. Antoine Goliot. Nazi. Les noms sont dingues, hein, c'est... Nazi. Et non, cinquième circonscription de Pas-de-Calais, pardon, je me suis feinté tout seul. Florence Goulet. Nagui. C'est la femme de... du mec d'avant, non ? Non, c'était Goliot. Il s'appelait le mec d'avant ? Ah, pardon, autant pour moi. qui est mieux ou moins bien que Goulet, faut décider. Dans tous les cas, c'est dur. À l'école, c'est dur. Bah, nazi. En effet, deuxième circonscription de la Meuse. Benoît Tegroult. Nagui. Oh, Nagui. En effet, autrice d'un bouquin adapté en film produit par Nagui. Nadine Lechon. Bon, bah alors ça, c'est Nagui, hein, parce que Nadine, il n'y en a pas beaucoup. Elle est nazie. toi qui connais toutes les Nadine. député de la deuxième circonscription de l'Eure. Aïe. Comme quoi. Et nazi, hein, entre parenthèses. Oui, oui. Oui, oui. Mélanie Page. Nazi. Nagui. Et en effet, c'est sa femme. Ah. Charles Pépin. Nagui. Allez, je te suis sur... En effet, créateur d'une série d'animation que Nagui a produit. Ah, Gérard... putain, il a produit plein de trucs. Ah, il est tué. Ouais, Nagui est non... l'empereur, le producteur, comme je l'appelle. Gérard Pulicino. Nazi. Ouais, nazi. Dans le sud-est, j'imagine. Et non, c'est un réalisateur de plein d'émissions de Nagui, dont N'oubliez pas votre brosse à dents. Ah, alors. Julien Rancoul. Adrien ? Julien Rancoul. Ah, Julien, pardon. Nazi. En effet, troisième circonscription de l'Aude. Oh, Alexandre Sabatou. Nazi. Nagui, nazi. Pardon. Nazi. Non, nazi. Et c'était nazi, troisième de l'Oise. Il y en a très plein. Bon nom, là. Ouais, il y en a quand même beaucoup, hein. C'est fou, hein. Ça s'arrête pas. Il y a énormément de nazis et énormément de gens que Nagui connaît aussi, donc... Ce jeu pourrait être infini, fort heureusement il a une fin. Alexandre Sabatou. Ben. Ah non, on l'a fait celui-là, pardon. Oui, j'allais dire c'est... Philippe Schreck, pardon. Ah, Philippe Schreck. Non, c'est un nazi. Tu peux être nazi avec ce nom. Ah. Huitième circonscription du Var. Tu, on peut ah, mais putain avec ce nom. Dans le Var. Ah, dans le Var. Putain, ouais. Florian, putain, comment on dit ça? Schwab. Nazi. Ah, Nagui, ça fait longtemps, pas de Nagui. C'est vrai. Comédien dans une série que Nagui a produit. Putain, mais quel producteur. Ah, c'est un producteur fou. Michael Taverne. Nazi. Allez, ouais. Et en effet, un très beau nazi, 12e circonscription du Nord. Ah, le Nord. Et on finit sur Colette Tettelbaum. Nagui. Et oui, c'était sa daronne. Ah. Ah, d'accord. Bah écoute, putain, on est bien revenu. Ouais, bon. Ouais. Et oui, superbe. Donc, sans aucun indice à chaque fois, on s'en sort plutôt bien. Ouais, juste avec un nom. Les noms sont un indice. Les noms sont des indices à la base. Oui, mais des fois, il y a des pièges. Quoi ? Nicolas Dragon, par exemple. Énorme. Oui, oui. Ouais. Jusque là, il n'y avait pas trop de doutes. Mais c'est sur le Nicolas que ça se joue. Bon. À qui ? Mais Kylian ? Bah moi j'en ai deux rapides. Deux rapides, okay. Vite fait. Le premier c'est qu'est-ce qui s'est passé à Agde il y a pas longtemps ? Ah ! Bah Patrick Sébastien. Cap. Ah oui, c'est fait sucer la bite. Il fait sucer la bite. Est-ce que c'est vrai ou pas du coup ? T'as, c'est vrai, alors... je parle du beurre qu'on imprime alors que Sébastien s'est fait sucer la bite. Qu'est-ce que je suis con ? S'est fait sucer la bite devant des. Ah, ce qui paraît devant des gosses. Moi, j'en ai pas vu sur la vidéo. J'ai regardé. Qu'est-ce la vidéo, qu'il foutait là après s'il y a des mineurs ? Sous tous les angles. T'es mineur, tu vas à un concert. Non, mais tu vas pas au concert de Patrick Sébastien si t'es jeune. Et surtout camping naturiste. Ouais, mes parents sont des énormes bofs. Tu vas au camping, évidemment, que tous les parents ils vont au truc de Patrick mais Sébastien. Mais toi, t'es le mineur, t'as pas du tout envie d'aller voir Patrick Sébastien. Tu restes dans ta tente. Et quand t'es mineur, tu fermes ta gueule et tu suis tes parents, généralement, quand même. Ouais, mais toi, c'est une belle relation. Ouais. Ah. Oui, oui. Rentrons pas là-dedans. Non, mais voilà, donc bah, la première petite actu, c'est vraiment que, voilà, on a un patoche qui s'est fait sucer le chibron. Mais vous y croyez, ça ? Vous pensez que c'est vraiment si tu fais sucer la bite ? Bah, il y a des gens qui ont commencé à dire que c'était faux, qu'elle faisait le geste et tout, mais pourquoi être allé sur scène pour faire semblant, tu vois ? Moi, j'y crois. Déjà. Hein, je suis partisan de lui avait demandé de sucer la bite. Mais regardez les vidéos un peu ou pas ? On a que la vidéo de dos, non ? On n'a pas de enfin de l'autre côté. Il y en a deux, il y en a une de dos et une un peu sur le côté. Mais on voit quelque chose ? Moi, je vois la vidéo où il rentre sa bite dans le pantalon, mais on voit pas la bite. Voilà, moi je vois quand il remonte son froc. Et en plus, il y a une info importante, c'est qu'il a une énorme bite, donc on l'aurait vu. C'est vrai qu'elle est difficile à louper. Ouais. Confirmé par Al Capote, il a évidemment une bite énorme. Après, c'est grave possible. Non, mais c'est pas tout. La dernière fois, il fait des interviews où il dit putain, on peut plus rien faire. Voilà, il a démontré que lui, ce qu'il voulait faire, c'était se faire sucer sur scène et puis c'est tout, quoi. Non, mais même c'est connu qu'il se fait sucer dans les boîtes échangistes et tout. Enfin, oui, mais ça va, c'est tranquille. Oui, c'est mais bon. Où est la frontière finalement ? Enfin, on sait qu'il en a rien à foutre, quoi. Non, mais c'est pour ça. Mais du coup, il se fait boycott là. Je sais pas si vous avez vu. Il y a eu des dates annulées. Oui, j'ai vu. Je sais plus quoi comme date, mais j'ai vu qu'il y a des petits trucs, bon. Bah, le Stade de France, ouais. Ah. Non, il s'est fait boycott de tous les campings ou des trucs comme ça, ou... Ah bah oui. Enfin, pas tous les campings, mais il a eu deux dates de suite d'annulées, quoi. C'est le meilleur moment pour l'avoir à Bakou, pour qu'il se refasse avant la fin de l'été. Là, on peut l'avoir pour tous les trois, si on veut. C'est vrai que... On pourrait se faire une petite soirée un peu sympa avec le patoche, voilà. Après, Kylian, faut que tu passes avec casserole, quoi. C'est le seul problème, quoi. Ah oui, on paye moins si quelqu'un... Il faut qu'il y en ait un qui monte sur scène, après, donc... Et oui. Et pourquoi ce serait moi, forcément? Parce que c'est ta région. Ah, alors, c'est un argument qui me convient. Non, mais t'aimes bien en plus, toi, Patoche. Ouais, je connais une ou deux, voilà. C'est son énorme biroute, voilà, quoi. Au mariage où tu es allé, est-ce qu'il y avait la musique qui est passée ou pas? Alors, il n'y a pas eu de Patrick Sébastien quand j'y étais, mais il y a eu des belles musiques, bah, des chansons paillardes, mais du Nord. Voilà, parce que... Maréchal, nous voilà. Voilà, c'est sûr qu'il n'y avait pas la lutte finale hein, derrière, donc non, c'est sûr un truc... Mais non, mais il y avait des petites musiques, voilà, chansons paillardes, non plus. Et on a eu droit à la mariée qui a chanté pour le marié, qui a fait un petit karaoké. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle a chanté? Je crois qu'elle a chanté France Gall. Ben. Pas mal. Laquelle? Ah putain, je l'ai plus. Je vous la retrouverai, je le dirai au prochain épisode si je m'en souviens. Mais jouer du piano debout? Non. Vraiment pas. Celle que je connais. Donc voilà la première actu. Deuxième actu, c'est un truc qui m'a fait marrer. Alors, vous allez dire j'ai 55 ans, puis toi Julien, tu commences à avoir l'habitude. Je prends des petits screens parfois sur Facebook que je t'envoie. Là, j'ai évité de te l'envoyer pour le garder à l'œil parce que le commentaire c'était sacré titre et il y avait des trucs entourés. Alors du coup, j'ai fait ma petite recherche, je suis allé chercher le titre et tout. Et le titre a été supprimé par la suite, mais il reste dans l'URL dans le lien de... Oui, les mots-clés, machin, du lien. Ouais, même en haut, vraiment, quand tu fais c'est sur Sudwave. Ah, ils ont mis le truc en... Slash le titre. Et ça y est, toujours. Donc, le titre, c'est « Marmande, nos deux noms s'unissent si bien, ils se marient à Gare au Roc. » 25-13, blablabla, les chiffres qui vont avec. Donc c'est deux personnes qui se sont mariées à Gare au Roc et ils ont fait une vanne sur leur nom de famille. Mais la vanne a dû passer crème parce qu'au début je pense que personne l'a capté et tout hein, parce que vraiment il y a eu des screens qui ont été faits. Je pense que quand ça a un peu pété ils se sont fait le truc a été supprimé parce que quand je regarde la photo que j'ai, il y a Clément Nanana et Florent Nanana et quand je vais sur le site maintenant il y a marqué. Donc, pareil, le titre, c'était « Entre guillemets, nos deux noms s'unissent si bien, ils se marient à Gare au Roc. » Là, maintenant, quand je regarde, donc il y a marqué « Gare au Roc 2025, ils se marient à la Fiole. » Et en tout, il y a marqué « Clément et Florent se sont unis samedi 5 juillet devant le maire autoproclamé de Gare. » Maintenant, est-ce que vous voulez savoir les noms qui ont été supprimés? Mais est-ce qu'on peut trouver? Vous pouvez trouver, vous pouvez essayer de trouver, ouais. Est-ce qu'il y en a un qui s'appelait Gare et l'autre au Roc? Non. Ça serait mon rêve, non. Ouais. C'est un jeu de mots, c'est... Alors, quoi, c'est... C'est un jeu de mots. C'est, en fait, disons que si tu lis l'un et l'autre à côté, ça fait une phrase. Recule de ton micro, genre, un peu. Pardon. Il est trop excité, là, c'est pour ça. Ah, j'avais trop peur. Il y a des montées d'énervement. Non, mais j'ai peur qu'on m'entende pas. T'as déjà baissé mon truc, non, je crois. Ouais, c'est pour ça, mais je n'arrête pas. Donc, on a un monde, on va plus t'entendre du tout. Donc... Bah, c'est bon, j'ai baissé mon gain, ça devrait être mieux. Il faut que tu nous guides un peu parce qu'il y en a plein des expressions qu'on peut faire. Alors c'est même pas une expression vraiment, c'est un truc potache, voilà, c'est bof un peu, enfin c'est genre. Ouais. Les culs et l'autre nu, cul nu. Ah c'est dans le thème, c'est pas ça mais c'est dans le thème. Ça a rapport au fait qu'il soit homosexuel. Ça a rapport avec le fait qu'il soit homosexuel. Mais sachant que pas forcément. C'est un truc sur la baise. Homosexuel, voilà, c'est dans les couples homosexuels comme dans les couples hétérosexuels. Ah, ok. Aucun rapport à voir avec le fait. Rien du tout. Non. Ça a tout à fait à voir, sauf que non. Et parce qu'il n'y avait pas pensé, voilà. Ça a un rapport avec le cul, Et la bite ou pas aussi? Ça a un rapport avec la bite, voilà. Ah, aussi la bite. Plus avec la bite que le cul, du coup. Rapport avec les couilles, j'ose demander. Non, pas avec les couilles. L'autre qui s'appelait Pen. un peu comme la famille connue, et l'autre s'appelait Is. Ensemble, c'est Penit. Hein? Ou double. C'est vraiment deux mots, les deux peuvent se, littéralement, se comprendre. Ok, les deux existent dans leur, ok. Ah oui, oui, ok. Comme Q-nu, quoi, s'il y a un qui s'appelait Q et nu. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ok. Et vous vous rapprochez, ah. Vous vous rapprochez. Baise-moi? Non. Non, mais c'est, je devinais pas, là. Ah, d'accord. Non plus. Après, je vous lirai. C'est un rapport avec le cul, c'est un rapport avec la baise. Fellation. Alors, tu as l'acte, mais pas, pas sous la bonne forme, pas sous les bons mots. Il y a sucer, Non. Mange chibre. C'est... Ah, on est vraiment sur un truc aussi gros que ça, ouais. C'est vraiment un... Ah ouais? C'est des synonymes de ce que tu viens de dire. Avaler ma queue ou un truc comme ça. Alors, vous en avez un. Avaler. Non! Clément Laval. Clément Laval. Et il vous manque le deuxième. Ah, donc un synonyme de quelque chose? Non. Mais c'est un mot, ouais. C'est un mot, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, en fait, ça. Pénis. Bah, en fait, c'est. Ouais, Avalbit, ça, c'est quand ouais. On le lit à l'oral, c'est. Ça se lit sous deux mots, mais là, c'est en un seul mot. Mais est-ce que c'est marrant quand on dit Laval quelque chose, quoi? Oui. Enfin, c'est marrant. Ça reste simple. Laval sperme. Non, pas. Non c'est pas foutre, mais presque. Laval. Laval jus. Laval. Non, c'est un truc qui a sur des arbres. À Laval sève, putain. Non. Très très bon. Quoi? C'est quoi? C'est un, Laval vraiment, poutre. Un truc sur qui a sur les chênes généralement. Laval écorce. Laval mousse. Non, putain, vous êtes nuls. Laval. C'est pas la sève. L'écureuil. Qu'est-ce qu'il aime l'écureuil? Laval noix. Non, presque. Laval noisette. Laval noisette. Non, putain. Ah. Laval quoi? Laval boule. Pour le coup, c'est un truc qui s'utilise pour les arbres, mais pas que. Qu'est-ce que vous avez sur qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on a tous d'ailleurs? Laval... Parce qu'on est trois mecs, donc. Laval couille. Alors non, parce qu'on a dit que c'était pas sur les couilles. Pardon, oui. Laval tronc. Oh, putain, c'est fou d'être si proche et si loin en même temps. Laval tronc. Laval bois. Ça veut dire un truc évident. Ouais, vous passez vraiment proche. Attends, des mais il y a quoi les arbres? Je suis pas botaniste. Ouais. Il y a des feuilles, il y a des branches. Laval branche. Dans l'âge de glace, il court après quoi le... Une noisette. Une noisette. Non, c'est pas une noisette. Putain, mais... Un gland. Laval gland. Laval gland. Laval le gland. C'est le gland. Le mec s'appelle le gland. Florent le gland. Très très bien. Laval et Florent le gland se sont unis. Et donc... Et du coup, ça n'existe plus sur le site. Ouais, il va en avoir marre. Mais par contre... Les habitants du village et le maire ont marié à Garorock. Après, c'est peut-être eux qui ont demandé qu'on enlève leur nom, hein, parce que ça reste quand même presque du doxing. Il y a leur nom, la région... Oui, après oui, ça oui, mais en attendant que c'est eux... Enfin, ils étaient cités, il y avait marqué « Nos deux noms s'unissent si bien », tu vois, donc c'est que c'est eux qui ont dit la phrase. Oui, mais ils ont pas dû se rendre compte qu'après, ils allaient recevoir 50 000 messages. Ouais, il y a peut-être eu des relous. Ah, peut-être. S'ils sont gays... Mais par contre, c'est complètement... Ils adopteront jamais un gosse, enfin, il sera jamais content, ce gosse. À l'école, qui s'appelle Laval le Gland. Nom, quoi. Oui, mais bon. Faut donner qu'un seul nom. Ou les inverser. Le Gland Laval. Ah, mais oui, les gosses vont pas faire l'inverse. Oui, les gosses, ils sont pas. Ils vont dire, oh putain, on peut pas, désolé, tu peux pas. Ah putain, sur la carte d'identité, ils nous ont eu, on peut pas le vanner. On peut pas le vanner, dommage, on peut pas inverser. Non, mais je pense qu'ils garderont qu'un seul nom, et j'espère. Après, je sais pas lequel est le mieux, quoi. Ouais, voilà. Laval ou le Gland. Ce que j'allais dire. Un mélange des deux. Ouais, mais dans tous les cas, ils seront vannés, en fait. Dans tous les cas, ils seront vannés à l'école. Ça, ils sont peut-être partis de ce principe. Il aura deux papas, dans tous les cas, ça sera dur. Mais non, c'est... Oui, bah, surtout dans la France qui arrive, donc... Mais non, les gens s'en foutent de nos jours. Oh. Oui, bah... Non, les gosses, je veux dire. Je pense qu'à l'école, t'as des gosses, peut-être, ils s'en foutent maintenant. T'as deux papas, t'as deux mamans. Bon, on va quand même te vanner parce que t'es moche, tu vois. Ah. Tu t'appelles le gland. Et aussi, ouais, voilà, t'as d'autres raisons de vanner, je suis d'accord. Donc voilà mes deux petites actus régionales. Les deux rapides, hein, j'en ai une un peu plus importante, un peu plus. Mais je la garde pour la prochaine. C'était très bon. C'est très bon. C'est très bon. Laval le gland. Alors moi. Vous expliquer pourquoi t'as pas fait tes devoirs. Je vais vous expliquer. J'ai l'impression que depuis le début de l'été, tous les articles des médias de la zone, de la région, en fait, ils font plus d'articles intéressants parce qu'ils se disent les gens sont plus là. Donc on fait des articles de merde sur la plage. Et le soleil pour les touristes. Et je vous jure, j'ai l'impression que je trouve plus rien là depuis un mois que je regarde de temps en temps. Surtout que dans ta région, c'est les articles, c'est sur les feux et le burkini, donc. Oui, voilà. Mais en ce moment, c'est que des que faire à Marseille, que faire à Toulon cet été. Le mercure dépasse encore, tu vois. Mais c'est pas grave parce que j'en ai un qui date déjà quelques temps. Donc le. Moi, je fais que ça. Donc. Et donc le maire du Lavandou. Il a dit qu'il allait participer à l'effort de guerre. Vous savez, il n'y a pas longtemps, Macron a déclaré qu'on allait rentrer dans une économie de guerre. Et du coup, c'est le maire d'une commune, hein, donc il y a beaucoup de dépenses. C'est toujours la question, qu'est-ce qu'on peut donner aux administrés par rapport à ce qu'on leur prend, les impôts, tout ça. Et donc, il s'est dit qu'il allait proposer, il allait prendre 10 euros de sa trésorerie par nombre d'habitants. Donc, ils sont combien ? 6400. Et il va multiplier donc 10 euros par 6400, il va envoyer ça à l'État. Ça veut dire qu'il aurait pu rénover 2-3 salles de classe, il aurait pu faire ce qu'il veut. Merde. Il aurait pu faire ce qu'il veut avec 60. C'est au Lavandou à côté de Toulon, voilà. Quel enculé. Et de son plein gré, il a envoyé ses 64 000 euros à l'État. On lui a pas demandé, il n'y a pas eu de. Voilà. Donc moi je suis quelqu'un qui habite au Lavandou, je suis dégoûté quoi. Il aurait pu faire un petit rond-point, non je sais pas, tu vois, un truc cool pour la ville. Après attention, pour les gosses de la ville, que des bourges de merde au Lavandou, attention. Hein, mais, oui, la mais pas que, il y a aussi des gens tout à fait modestes, je pense. Ouais, pas d'HLM là-bas quand même, mais oui. Et donc voilà. Non, mais même, dans tous les cas, tu donnes pas à l'État, tu donnes à ta commune dans tous les cas. Enfin, je sais pas. Oui, pour moi c'est tes maires. Tu fais un feu d'artifice quoi. Ouais, mais tu es le maire de la commune, voilà, tu donnes tout pour eux, tu t'en fous presque de l'État, tu vois. T'es en combat avec l'État pour avoir plus d'argent au pire, mais. Voilà, il y a forcément des trucs qui vont pas, quoi. Et donc t'es l'Avandourin. Tu dis ça par le nombre de professeurs de l'école primaire ou l'école publique. Tu fais une prime, voilà, tu les as, tes 60 000. Prime ou t'achètes un putain de bouquin pour tous les gosses, ou j'en sais rien, tu vois, un goûter. Et donc voilà. Donc moi. Un goûter à 64 000 euros. Sur la place, 60 000 balles. Donc voilà, j'avais vu ça à l'époque et j'avais trouvé ça, si t'es habitant, tu peux trouver ça très énervant, je pense. Après, comme t'as dit, pour relativiser, il y en a plein qui doivent s'en foutre, mais bon, je pense à ceux qui s'en foutent pas et qui doivent se dire, eh ben putain. Et voilà. Ah, ils participent à l'effort de guerre, c'est ce qui compte. Putain. Non, c'est très bien, c'est voilà, de l'argent très bien dépensé, disons. Et tu vois, au pire, 60 000 balles, après j'allais dire, vu la dette qu'on a, pas vraiment, mais disons qu'il fait un peu de différence, quoi. Mais il y a des enculés, ils envoient 50 euros à l'État, quoi. Et on en a parlé il y a pas si longtemps, j'allais y venir. Allez-vous faire enculer, quoi. Des gens, de leur plein gré, après avoir payé leurs impôts, leur TVA, tout ça, se disent, je vais envoyer 50 euros en plus de mon plein gré, et le mec fait ça tous les mois, en plus. Voilà. Il pourrait acheter un cadeau pour ses enfants, sa famille, je ne sais pas, ses collègues, non, il envoie à l'État, sans rien en contrepartie. Voir l'inverse, peine de mort, hein, pour moi, c'est un peine de mort. Comment ça, l'inverse ? Bah, le pays ne va pas, socialement, c'est terrible ce qui se passe, donc t'envoies 50 euros à perte, quoi. C'est Macron, oui, non, mais en plus, non, mais c'est pas comme même si pas... tu allais avoir un effet positif, ouais. Non, mais oui, surtout que ces 50 euros, ils doivent arriver dans un service qui doit les traiter. Une fois traités, une fois, comment dire, il reste plus rien de ton argent, quoi. Ça, ça a servi à presque rien. Ça servait à rien, c'est de la merde. Mais surtout qu'en plus, lui, parce que je pense qu'on parle du même article, mais le mec, il disait, c'était pour rembourser la dette du pays. Oui, c'est ça. Même et c'est pas le seul, hein. Pour les services publics ou quoi, c'était vraiment pour la dette du pays. C'est l'enculé du siècle. Pédale, hein. Quoi. Putain, je sais pas ce qu'on lui a mis dans la tête pour penser que... 50 euros par mois, mais voilà, très clairement, tu donnes à une asso, tu fais plus du bien que. Mais carrément. Là, surtout que tu défiscalises, tu vois, genre. Oui, voilà. Tu donnes moins d'argent, tu fais derrière en plus. Eh oui, carrément. Oui, tu fais du bien à une asso et toi, tu peux te faire du bien un peu financièrement, donc. Je sais pas. Un aboutier. Une belle grosse merde. Il pourrait donner à 200 000 autres causes. Il a décidé de choisir l'État français. Bon. Si tu choisis Macron, t'imagines ? Parmi tous les Français. Tu choisis Macron, putain. Ah, s'il y a bien quelqu'un à qui je donnerais pas, c'est bien lui, quoi. Donc, putain, mon gars. L'autre, il l'a rencontré et il s'est dit, il a besoin de sous, ce mec. Il a vu Macron, il s'est dit, putain, il est fatigué. Il a vu sa femme, il a fait bon. Quand il a pris sa tarte, il a donné 100 balles. Ah, c'est peut-être pour ça, il a eu pitié, ouais. T'as ça aussi, hein. Quelle histoire. Ah, mais quelle histoire. Merci. Merci, Brigitte. On revient toujours au fait que c'est une sale pédo de merde, attention, hein, mais. Ah oui, attention à ça. Mais vous avez vu, il y a pas longtemps, ils ont été attaqués, l'influenceuse américaine, pardon, a été attaquée par le couple Macron. C'est très rare qu'un président en fonction aller faire un procès à une influenceuse d'un autre pays, quoi. C'est, mais bon. Après, pour le coup, elle dit vraiment des dingueries, quoi. Oui, elle dit des dingueries, mais t'imagines, tu lui donnes, quand t'es, du coup, avec Macron, t'es sûr que quand tu portes plainte, le lendemain, la une des journaux dans les deux pays, c'est ta plainte, tu vois. Tu lui donnes de la raison, finalement, quoi. Enfin, ouais, après, bah, il reste qu'une seule solution. Faut que Brigitte monte sa bite, voilà. Disons les choses, faut que elle nous montre. Parce que c'est ça qu'elle dit, en plus, l'influenceuse à la fin. Elle dit, ouais, en plus, t'es marié avec un homme et tout, elle dit des folies monumentales. Hein. Ah oui, elle a pas juste posé deux, trois questions comme ça, elle a forcé, elle a écrit des livres. Oui, elle a écrit un livre, elle a fait je sais pas combien de vidéos qu'elle mettait partout à un moment, enfin non, c'était une folie. T'imagines? Et ça passait à Fox News et tout, hein. C'était une folie. Bien sûr. Mais les Américains, ils parlaient que de ça à un moment donné. Ah ouais, c'était. Bah, il a dû, ouais, ils ont dû faire un communiqué et tout au dernier mot, enfin, c'est parti loin cette histoire. Ouais. Alors que c'est une pédo de merde, vous, et ça on le sait, quoi. Ouais, oui. Voilà, surtout qu'il y a vraiment des trucs vrais qu'on peut directement envoyer, quoi. Surtout que s'il gagne le procès, il va gagner des thunes, Macron. Ouais, en plus, aux États-Unis, ouais, ça rigole pas les procès. Donc il y a un mec qui lui donne 50 balles alors qu'il va prendre je sais pas combien de millions. En plus. Et qui va rien déclarer. Ouais. Aux États-Unis, il calcule comment, il calcule en manque à gagner. Je sais pas. En préjudice moral. C'est ça, c'est quoi le manque à gagner de Macron? Ça peut être punitif. Non, mais ça peut être punitif. C'est le préjudice. Là où ici c'est pas punitif, là-bas c'est punitif. T'en as rien à foutre. Ah, mais elle va tout perdre. À hauteur de parce que c'est une folie ce qu'elle a envoyé. Mais là-bas ils sont en mode la liberté d'expression, le 5e amendement, ouais, et tout, donc. C'est le problème. Ah oui. Il y a vraiment une liberté d'expression de taré, donc c'est. Bah, à mon avis, elle va gagner, quoi. Ce qu'elle peut dire, ouais, ça va être. Je lui souhaite. Bah, liberté d'expression là-bas, c'est vraiment tu peux dire ce que tu veux. Tu peux. Et si Macron perd, il doit des sous. Peut-être qu'il devra payer les frais d'avocat. Moins, à moins qu'elle réussisse à prouver qu'elle a un préjudice elle aussi, mais non, là je pense pas. Bon, on verra. Affaire à suivre. Affaire à suivre. On tiendra au courant. On sera toujours là d'ici là, donc. Ok, oui. Inch'Allah. Julien, t'as une actu pour nous J'ai une seconde actu. Je vais vous conter une histoire. Vous allez devoir deviner la fin. Alors, l'affaire remonte au mois dernier. Marco Gauque, chorégraphe en chef de l'Opéra de Hanovre, présentait le 11 février la première d'un nouveau spectacle, Globe Liebe Hoffnung, Foi, Amour, Espoir. Durant l'entracte, l'artiste croise la journaliste Wiebke Huster dans le foyer de l'opéra et la prend violemment à partie à cause d'un article publié la veille dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, une critique d'un autre spectacle que le chorégraphe avait créé quelque part d'autre. Un spectacle qui, selon la spécialiste de danse, rend fou et assomme d'ennui. Mais Marco Gauque ne s'est pas contenté d'apostropher la journaliste en menaçant de la bannir de l'opéra. Il a fait quelque chose d'autre. À votre avis, quoi? Il lui a tiré le slip. C'est un peu drôle ce qu'il a fait? C'est un peu gaulerie. Ok. Il lui a fait regarder le spectacle assis sur une chaise de force? Non. C'est physique ou c'est moral? Enfin, ouais, genre c'est. Il y a une agression derrière ou pas? C'est physique. Et je pense que derrière, psychologiquement, c'est un peu violent peut-être de faire ça. Par la justice, c'est réprimant. Non, tu peux avoir des problèmes? Ouais. D'accord. Il l'a tué? Il lui a. Non. Alors, bon, peut-être pas. Il lui a arraché une dent. Les cheveux? Non. Non. Il a tiré sur son doigt. Non. Disons qu'il l'a pas. Il l'a pas. Il lui a vomi dessus. Il l'a pas porté. Il lui a pas porté de coup, disons. Il lui a vomi dessus? Physiquement, il lui a pas vomi dessus. Il lui a. C'est un lien, c'est un truc qu'il lui a fait. C'est plus un truc qu'il a fait lui, sur elle. C'est un truc qu'il a fait lui, sur elle, ouais. Mmh. D'un coup, il a pété un câble, il est en train de lui parler, il a fait je vais faire ça. Il a fait. Il a chié. Il s'est branlé. Il y a de la merde, mais. La chiasse bien. Non. Quoi? Quoi? Ou il lui a mis un doigt dans le cul? Non. Bah non, on a dit que c'était pas. Enfin... Non, lui, il a pas vraiment. Il n'a pas eu contact. Mais c'est sa merde à lui ou quoi? Disons. C'est pas sa merde à lui. Merde d'un animal? Elle a chié. Elle s'est chiée dessus de peur. Non. Mais non. Il a jeté de la merde de quelqu'un sur elle. Exactement. Mais là, je comprends pas d'où tu trouves de la merde. Eh ben, je vais continuer l'article. On peut continuer la phrase d'après. Je cite « Mon vieux teckel, racontera-t-il quelques jours plus tard, avait fait une crotte que j'avais ensuite mise dans un sac. Je voulais m'en débarrasser dehors. Finalement, le chorégraphe, sous le coup de la colère, tire les crottes du sachet pour les étaler sur le visage de Wiebke Huster. Oh putain, sur le visage, enculé. Après, t'es critique, hein, ça peut arriver, hein, c'est le risque. Hein. Voilà, malheureusement. La journaliste a porté plainte. Et voilà, et après, voilà, le journal de la journaliste a dénoncé un climat de mépris, voire de haine envers les journalistes, rappelant entre autres les propos de l'intendance, machin. Mais voilà. T'as vu Van der Leyen qui s'est passé encore? Pas vu. Bah, elle a, ah oui, elle a dit elle est en Russie ou je sais pas quoi. Ah non, non, non, elle va faire une proposition, je sais pas, c'est du directive ou de règlement ou quoi, mais qui autorise les États à emprisonner les journalistes pour des raisons d'ordre public. Super ça. Ouais. Parce que moi j'ai vu un espèce de discours qu'elle a fait aux Pays-Bas où il y a un gars qui l'interpelle dans la foule. Je sais pas, il l'insulte, ah, oui, comme oui. Ça, il fait « Vous avez de la chance de pouvoir faire ça ici. En Russie, vous ferez arrêter. » Il s'est fait arrêter dans la seconde. Ah, il s'est fait arrêter. Ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment très, très puissant. Bah, un beau climat, voilà, pas du tout. Ah, l'Europe, en ce moment, ça brille, ouais. Ouais, on rayonne. On est les petits nouveaux, là. Ça fonctionne bien en ce moment. Enfin, tout roule comme sur des roulettes, vraiment. Et puis voilà, ouais, il lui a mis de la merde sur le visage, quoi, de son chien, donc... Sur le visage, d'accord, ouais, c'est pas cool. À même le visage. Ouais. Il l'a étalé ou il lui a jeté dessus, genre un peu de loin? Ben, l'article est dit tire les crottes du sachet pour les étaler sur le visage. Ah, ok, ouais, c'est vraiment. C'est même pas jeté, artiste, puis quoi, par chance, elle l'a eu, quoi. Non, non, je vois de la peinture, tu sais, comme sur les grottes de Lascaux, quoi. Ouais. Tu vois quelqu'un qui s'applique à son travail. Faire un dessin. Je vois, tu sais, le début du Roi Lion, là, où le ouais. Singe met les tatoués sur Simba, là-bas, pareil, avec de la merde. C'est fou de les mettre dans un sac quand même. Bah, pour le jeter. Mais ils comptaient les jeter, quoi. Ah, là-bas, c'était pour le jeter, ouais. C'est le putain, comment ça s'appelle? Les poop bags, là. Les poop bags. Ouf. Ouais, j'ai plus le nom. Non, mais c'est l'américain. C'est quoi les sacs. Les sacs à caca. Oui, bon, on a compris. Oui. Sachez, là. Sac à caca. Sac à caca, exactement. Mais ouais, mais du coup. Mais il aurait pu se passer beaucoup de choses. Imaginez, il avait un couteau en main, c'était terminé pour la meuf apparemment, parce que c'est le premier truc qu'il avait. Je pense que c'est sa défense. Je n'ai que étalé de la merde, ça aurait pu être pire. C'est vrai, j'aurais pu. J'aurais pu faire pire. Si j'avais un truc de quête avec un TPE dessus, ouais, il l'aurait massacré quoi. Putain, il aurait pris tout son argent. Mais d'un côté, c'est pas plus mal que l'église prenne le TPE. Avant, tu donnais de l'espèce. Qu'est-ce qui empêchait le prêtre d'aller se saouler la gueule au bar du coin, tu vois? Alors que maintenant, avec le TPE, t'es... Mais pas non. Oui, non, mais après, c'est au moins, là, on est pour les enfants de cœur, quoi. Oui, bah, vu l'état des églises, ils doivent pas... Tout l'argent doit pas être déclaré, ouais. Que maintenant, on a juste mal au cul, quoi. Voilà. Avant, ça quand va bien, les églises, ce que tu racontes, Brice. Ça va bien, les églises. Il y a toujours un truc de travers et tout. Il y a toujours un carreau. Enfin, bref. Ouais, il y a toujours... Il y a toujours des vitraux à l'intérieur. Oui, bah, bref, c'est... Non, non, mais... Tu vois, c'est mieux qu'ils prennent le TPE, au moins t'es sûr qu'il n'y a pas de, il y a pas de blague, quoi, tu vois. Oula. À quand ça, il n'y a pas de blague, ça? Il n'y a pas de blague à l'église. Ah, ouais. Ah. Oui, c'est ton rêve que tu me disais. Ouais, c'est ça. Tu vas être chrétien, c'est ça que t'es en train de dire, Brice. Non, je te parle d'argent, moi, tout simplement. Ah, les blagues n'ont pas d'argent, putain, qu'est-ce que je raconte. Ah, ne revenons pas là-dessus, c'est un épisode fâcheux de mon été. Épisode facho, même. Et puis okay, bah, putain, à qui le tour? Moi j'ai une petite rapide si vous voulez. Oui, donc ouais, c'est vraiment rien quoi. Si j'en ai toujours, mais moi la différence c'est que j'en ai toujours d'autres, mais ils m'ont moins plu, tu vois. Je suis moins convaincu. Ouais, j'avais pareil, j'en ai 2-3 de secours aussi. Non, mais c'est pour ça, moi là je vous en mets une de secours et ensuite je vous fais un vrai truc un peu cool. On a droit à 4 actus aujourd'hui de ta part. Bah, je sais pas, ouais, j'ai. On est gâtés. En fait, en ce moment, il y a pas mal de trucs. Là, c'est l'actualité un peu de l'été. En été, quand il fait chaud, on a tendance à vouloir manger quelque chose. Qu'est-ce qu'on mange? Des glaces. Quand il fait chaud en été, des glaces, exactement. Bon. Et dans l'Hérault, il y a quelqu'un qui a fait une glace. Petite actu, ouais. Insolite. Oui, ou petite actu, vraiment, on est sûr. Après, j'en ai un truc. Pâté pour chien. Non. Un truc du sud, pour le coup, hein, vraiment, on est dans l'Hérault. Goubine du sud? Ouais, enfin du sud non, il y en a partout, mais un truc qui est spécifique quand même à certaines régions de France. Tu le trouves pas dans les terres quoi, tu le trouves pas dans le massif central. C'est quelque chose de salé ou de sucré? Quelque chose de salé. Des crevettes. Okay. Saucisson. Non, mais tu es proche. Saucisson ou crevettes? Huître. Non, crevettes. Ah, ouais, ah l'huître, ouais. Exactement. En voilà, vrai, donc bah, juste il y a eu une glace à l'huître qui fait fondre les curieux. Il y avait marqué. Mais c'est juste au sel, non? Parce que j'aime pas trop les huîtres, donc je sais pas. Le sel est à l'eau, ouais. Mais... un petit goulot d'air. Ouais, bah c'est ça. Je pense qu'il prend de l'eau de mer et il fait ah c'est à l'huître les gars. Bah, non, en fait il a juste. Non, mais c'est ça. Oui, il a mis du citron, et du sel. Il a dû prendre une genre de sauce un peu huître ou je sais pas quoi là. Et... non, il a mixé des huîtres tout connard. Ouais, c'est ça. C'est hyper cher de mixer des huîtres. Enfin, je sais pas. Ouais, mais tu fais une glace, après c'est fort en goût. Oui, oui, tu, oui. Non, puis même tu dilues vachement, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Il leur suffit d'une en 8 litres. Et vous, est-ce que vous l'aurez goûté cette bien glace sûr. À l'huître? Bien sûr. Ouais, parce que moi c'est la texture qui me dégoûte de l'huître, donc. Ah bon, ah non, tenter, c'est vraiment le goût, genre c'est vraiment du sel. T'aimes pas l'eau salée quoi. C'est comme les oursins. Mais ça va, grandis, c'est l'eau salée. Ça va. Moi j'aime pas les oursins. Une glace pour oursin, tu vois, c'est très bien. Le glaire quoi, ça donne pas envie quoi. Ça, vous avez déjà éternué, vous avez ravalé votre morve, ça va? Ouais, mais bon, de le faire de mon plein gré. Et de payer pour. Ouais, voilà quoi. Payer 50 balles en terrasse, bon, pas envie quoi. Non, par contre, moi ce que je me disais, c'est que vous savez, j'ai la machine Ninja. Bah oui, tu nous as rien fait de marrant fois là. Que vous... Bah en même temps, vous êtes pas venu à Casa, Brice. Ouais, en juillet-août, venez à la maison et tout. Vous avez un emploi du temps de ministre donc. Mais il l'a déjà fait celui-là, je crois, mais il est pas pour nous. Non, j'ai déjà goûté tout seul, c'est très bien, c'est très bon. Non, mais voilà, quel goût on fait pas goût sperme. Fasse, quoi. Goût sperme. Non, mais. Bah, tiens, on parlait de saucisson il y a 2 minutes. C'est vrai. Tu voudrais que je fasse une glace salée, genre, t'es vraiment dans le truc de putain, mais comment je fais une... bah, ouais, je peux faire une ou glace cassoulet. Saucisson en vrai. Cassoulet. Putain, cassoulet. Une glace au cassoulet, c'est pas mal, ouais. Je mixe un pot de cassoulet et je fais une. Ah les gars, vous êtes en train de lancer des trucs. Non, mixe pas tout le pot parce que quand on va en manger qu'une cuillère, il va falloir bouffer le reste après. Hélas. Ouais, je fais des toutes petites glaces. Non, je fais des toutes petites glaces. Mais donc, quand... bah, vous viendrez à la maison probablement en courant de l'hiver, mais... Goût viande. Genre bœuf. Quel... kebab. Goût tartare. Non, parce qu'après, tu vois, genre avec Noémie, on s'est dit, on peut faire une glace glace burrata et glace tomate. Et ça nous fait ouais, un truc... ouais, c'est bien. Putain, j'ai goûté glace fiordilaté, moi, pas plus tard qu'hier. Pas mal. Ah, c'est où? À Stuttgart. Non, bah non. Ouais, d'accord, mais ça avait un goût de fleur d'oranger ou pas? Non, fior dilaté, c'est un espèce de... c'est comme de la mozza, en fait. C'est ce qu'il y a sur les pizzas, ouais. Beaucoup de base, non? Ouais, c'est ça, c'est fromage frais un peu. Parce que quand je suis allé à Paris, là, avec Noémie et tout, on allait voir la soirée et tout, elle nous a fait goûter un truc qui s'appelle bachir, c'est une glace libanaise à la fleur de lait. Et fior dilaté, pour moi, ça veut peut-être dire pareil. C'était en gros un peu avec de la fleur d'oranger, des trucs. D'accord. C'était hyper bon. Elle était hyper bonne, la glace. La texture était folle. Voilà. Mais. C'est quel goût on pourrait faire sinon. Mais déjà, vous venez. Enfin, bon, on discutera après, mais vous venez à la maison. Parce que Brice. Oui, bah maintenant oui, que oui. Bah, j'ai un été chargé, voilà. Je nous emmerde. Moi aussi, je devais descendre dans le sud. Je le fais pas avant septembre. Voilà, on va pas en faire tout un plat. Kylian, ça va aller. On va manger tes glaces bizarres, c'est bon. Non, mais par exemple, si vous voulez. De toute façon, il en faut du temps pour. Oui, non, mais de toute façon, il en faut du temps pour récolter tout le sperme pour faire la glace. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. On commence maintenant. Bah, ça, en une semaine, c'est fait. Hein. Il suffit qu'il y en ait une qui parte en vacances chez ses parents et c'est terminé. Ah. Je peux vous torcher ça en 2 jours, hein, si on veut vraiment se presser. Vous me dites ça la veille. Vous venez, si vous avez vraiment faim, les gars, bon. Ça peut s'arranger. Ah ouais, okay, voilà, ok. Donc bon, premier truc, deuxième truc, il y a le maire de Agde. Encore, il a décidément. Une belle connerie. Oui, bah voilà, Agde est une ville. Bah, la connerie, c'est d'avoir invité Patrick Sébastien. Il a laissé Sébastien, sa d'avoir femme laissé à une meuf. Scène. Alors non, il est soupçonné d'avoir fait quelque chose avec de l'argent public. Bah, il s'est acheté un truc pour lui. Alors pas pour lui, mais on. Il s'est fait sucer par Patrick Sébastien. C'est un service ou c'est un objet qu'il a payé? Un peu de tout. Il a par exemple payé. En fait, faut comprendre le contexte après, mais en gros, il a fait des cadeaux à une femme. Mais pas parce que. Ah, c'était une arnaque. On est dans le thème, voilà. Ah, il s'est fait avoir par un brouteur. Et l'arnaque. C'est sur internet, genre rencontrer une fille, enfin une prétendue. Non, elle est brouteur. Non. Ah. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour Nadine Morano, par exemple, ou autre femme sexy politique? Non. Non, non, non, on n'est pas là-dessus. On est sur autre chose. Il s'est fait arnaquer. Il s'est fait passer par une star américaine. Enfin, la femme se faisait passer pour une star américaine. Non, mais on y... Non, c'est pas ça du tout. Mais voilà, c'est ça. En gros, il a utilisé... Il est soupçonné... Mais via Internet par sa... collectivité. Non, non, non, il n'y a pas, pas Internet. Et des entrepreneurs locaux, toutes sortes de travaux et cadeaux qu'il a offerts à une personne qu'il a arnaqué. Mais attends, mais la personne, il l'a rencontrée IRL, elle l'a arnaqué de tout ce qu'on peut dire. Ouais. Trop bizarre, ouais, ouais. C'est fort. Hein. Alors, une espionne russe. Mais il y a un vrai truc. Est-ce que c'est une meuf qui s'est fait passer pour une autre meuf, genre une princesse ou un truc comme ça? Non. Elle faisait genre, elle travaillait à la mairie avec lui, pas du tout? Non, mais elle faisait genre de quelque chose. Est-ce qu'elle faisait genre qu'elle était riche, notamment? Non. Elle faisait genre qu'elle allait voter pour lui aux prochaines élections. Non, non, non. Un truc plus profond, plus... Le baiser, en fait, tout simplement, lui sucer la bite, quoi. Elle faisait genre que c'était sa mère ou sa sœur perdue. Non, mais t'y es proche. J'ai vu un film il y a pas longtemps sur ça. Le bonheur est dans le pré, exceptionnel. Elle faisait genre c'était sa défunte femme qui revenait de parmi les morts. Alors non, sa femme est toujours en vie. D'ailleurs, sa femme est une des personnes qui a été lanceuse d'alerte. Est-ce qu'elle s'est fait passer pour le fantôme à la quéquette tordue? Alors, c'est possible, hein. Ça arrive une fois. Tordue, mais elle s'est fait passer pour un fantôme. Quoi? Pourquoi? Il est con, lui. Alors, c'est fou, ça. Est-ce que vous... La reine d'Angleterre. Vous voulez continuer à deviner, ou... Bah non, vas-y, dis. C'est à toi de nous dire. Non, non, mais comment ça, on peut trouver ou pas? Ouais, franchement, vous pouvez trouver. Attends, mais... Le fantôme là, de sa fille. L'histoire est dingue, elle quand s'est même. Fait... Alors, après, elle s'est fait passer... En fait, elle s'est fait passer, mais elle s'est pas fait passer. C'est un... Par un objet interposé, elle se faisait passer pour... Bon, je vous dis, la personne, c'est pour le père du défunt. Enfin, pardon. Pour le père défunt d'Hubert. Mais comment? Oui, tu oui. parles d'une femme? Ah, mais c'était une voyante, genre? Alors, c'est une voyante, oui. Ah, mais qu'est-ce qu'elle peut faire en tant que voyante? Elle parlait avec les morts. Ouija board. Comment... Spiritisme, quoi. Alors, oui, mais... Alors, donc, vous avez dit Ouija, c'est pas ça. C'est un truc un peu plus... Est-ce que, comme la mère de Stallone, elle lit... Elle était prise par le fantôme, genre? Possédée? Alors, ni prise par le fantôme. Non. C'était quoi ton truc, Julien? Lire les lignes de l'anus, comme la mère de Stallone. Non plus, on n'est pas là-dessus. J'aurais rêvé qu'elle se fasse passer pour le père et mettre une fausse moustache. Fait oh, oh mon fils. Bah, t'y es presque. T'y es presque. Non, mais c'est pas vrai. C'est ça qu'il dit. Possédé par le père. Non. Bah, En fait, bah, je vous le donne. Ça va être trop compliqué. En fait, elle est ventriloque. Oh, non. C'est une vidéo. Si. Voilà, une voyante ventriloque. Ah, mais du coup, elle faisait genre, c'est le padré qui parlait. Exactement. Et lui, du coup, il payait les trucs. Oh là là, putain. Alors, sous son influence, il lui rend divers services, travaux, emplois pour ses proches, aide à l'édition, financement privé pour ses dépenses, y compris son mariage, 36 000 euros. Putain. Des chefs d'entreprise locaux sont sollicités en échange de faveurs. En 2023, la femme du maire porte plainte et des témoignages anonymes alertent la justice. Les écoutes révèlent des échanges constants entre le maire et la voyante, la voix se manifestant aussi par téléphone. L'affaire entre dans garde à vue et mise en examen, mais la mairie ne se constitue pas partie civile. Non, mais moi j'ai une explication. Elle avait un accent du sud également. C'était sa maîtresse et ils ont vite dû trouver une excuse. Et non, je suis possédé par son père. Il a payé son mariage. Ah oui, c'est con. Bah, mariage, ça n'empêche pas de. S'il a payé pour la queue claire aussi, c'est bon. Le mariage de la voyante a revenu à 28 000 euros de traiteur et avec 8 000 euros de location d'un château. Enfin, beau goûter, ça. Ah non, mais il n'y avait pas de 4 quarts, là. Voilà, et des écoutes téléphoniques se révèlent alors que le maire et la voyante s'appelaient jusqu'à 10 fois par jour et que la mystérieuse voix se manifestait aussi par téléphone. Depuis, mais ça, c'est comme... Parce que là, la meuf, c'est comme d'argent et de sang. Elle est allée trop loin, en fait. Elle aurait pu être bien toute sa vie, cette meuf, tu vois. Ouais, bah... Elle a joué... Le mariage, tu sens que la femme du maire, elle a pété un câble, par exemple. Oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment la femme du maire, en fait, elle a dû, à un moment, elle a fait, tu te prends pour un con. Je pense que peut-être qu'elle s'en rendait pas compte au début. Et mais ensuite, oui. Les appels, les 10 appels par jour, il y a dû avoir, une intervention en mode, mais qui est cette femme? Pourquoi elle t'appelle 10 fois par jour? Et quand il lui a dit, elle est voyante ventriloque. Mais non, mais lui, il savait pas qu'elle était ventriloque, c'est ça le truc. Bah si. Non, non, pour lui, c'est un esprit qui parlait dans la vie, une poupée. Oui, voilà. Parler derrière, elle est là, l'arnaque. C'est que Jeff Panaclock va pouvoir jouer le biopic, quoi. C'est ça, okay, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc voilà, c'est voilà pour mes actus. Alors quel c'est passé con. En 2023-2024. Hein, là, l'article que j'ai, il date de 2024, mais ça reste une actu marrante. Elle était condamnée cette dame. Elle est toujours, l'affaire est toujours en cours. Et elle alors, a pris la voix du juge. Elle continue à exercer ses talents auprès d'autres détenus. Ah mais ils ont plus d'argent là pour le coup. Elle c'est génial. Des clopes. Et voilà. Voilà les gars, voilà. Ok, ok. Voilà pour moi. Mais pas mal. On s'approche voilà. De l'heure fatidique. On s'approche de l'heure fatidique là, je pense. On va. Pour ma part, oui aussi. Normalement, on est bon. Mais Brice, t'avais pas une autre actu ou t'as tout fait déjà? Non, je me préserve pour les prochaines fois. Tu es à poil? Ouais. Et ben, on va passer aux recommandations. Allez. Cette semaine, je vous ai demandé la vidéo ou n'importe quoi d'autre qui vous fait pleurer parce que on est des hommes, mais on est quand même sensibles. Et je vais demander à Kylian. Pleurer de rire ou pleurer de tristesse? Ah, c'est bien pleurer que tu poses la question maintenant. Kylian, il a pas pleuré de rire. J'ai les deux, j'ai les deux, j'ai les deux. Kylian va recommander les oignons. Bah jusque là, c'est vrai, déjà. Non, en vrai, truc qui fait pleurer. Bah, évidemment, il y a tout ce qui est film triste, etc. Moi, je me souviens juste d'une fois où j'étais jeune, un film qui m'a fait un peu pleurer. Il y en a deux dont je me souviens. Premier, c'est Cœur de Dragon. Cœur de Dragon 2, pour être exact. J'avais même pas vu le premier. Parce que le dragon, excusez-moi du spoil, hein, mais il meurt à la fin. J'avais chialé devant la téloche et ma mère, elle me le raconte tous les ans depuis 20 ans maintenant. En me disant, ah bah t'avais pleuré, et elle me montre du doigt comme Nelson dans Les Simpsons et elle fait. Donc, après, le premier film, c'est ça. Et deuxième film, c'est. La chute. Putain, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui vient de. Non, mais alors, bah, déjà, il y a. Cartrice la fin. Comment ça s'appelle? Il y a eu. Ah, je vous en avais parlé vite fait, avec Liam Neeson. Taken, bien sûr. Aidez-moi, les gars. sur la Shoah. Ah, la liste de Schindler. Voilà, la liste de Schindler. Ça, mais vraiment, je l'ai regardé il y a un an ou deux ans de ça. J'ai jamais pleuré autant devant un film que devant la liste de Schindler. Bah voilà, c'est juste. C'était pas lui que j'avais en premier, mais au final, c'est lui qui me vient. Un truc qui me fait pleurer de rire, c'est les vidéos de chiens et de chats qui font des conneries, voilà. Ouais, bon, classique. J'ai un bon bébé et hyper classique. Les originalités. Bah, j'ai 40 ans maintenant, Julien. On enregistre ce podcast en 2003, donc oui, c'est vrai que... Donc voilà pour mes petites recos. Regardez des vidéos de chiens, regardez la liste de Schindler si vous avez vraiment envie de pleurer, quoi. C'est vraiment... Et pas okay, en même okay. temps, sinon ça risque d'être un film un peu chelou, mais... Ouais, ouais. Un TikTok de chien, une scène. TikTok, voilà, c'est ça. Le Bob Rider, surfeur, pardon. Concept. Liste de Schindler en 400 parties. C'est en plus qu'il est vraiment long ce film, et c'est. C'est pour ça, faire des pauses TikTok un peu, sinon tu tiens pas l'attention. Donc, Brice, on t'écoute. Ok, mais moi c'est un peu. Ouais, j'ai le dernier film qui m'a fait pleurer. Ouais. Après. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré d'ailleurs. Bah, c'est un peu la même histoire que celui de Kylian, hein. C'était Lilo et Stitch, le nouveau là qui vient de sortir. Et je sais pas, moi je me souviens même plus de l'histoire et c'était un peu triste. À la fin, ils vont pour le reprendre et en fait ils s'en sortent, ils le gardent. Je pensais que c'était une vanne. Non. T'as vraiment chialé? Mais je sais pas, moi, une petite larme comme ça et après ils l'ont gardé, j'étais content pour eux. Mais gars, tu sais là, que... Là on peut se moquer. Non, après, il y a une ambiance. Ce qui a plus cinéma, de rire, c'est que. Non, mais moi, cette semaine, il y avait ma petite cousine qui était. Qui a 12 ans, hein, qui était à Stuttgart. On passe devant un ciné. Il y a la fille de Lilo et Stitch. Elle m'a dit : oh, j'ai pleuré au cinéma. Mais voilà, parce que c'est voilà. Une petite larme, j'ai pas pleuré à sanglots, tu vois. En vrai, triste la fin de Lilo et Stitch, c'est triste. Et quand Stitch voilà. part en prison, machin. Et... Je me souviens plus de la fin, j'adore ce film en plus. Alors, le film, le nouveau, c'est ce exactement garde, le même, paraît-il. Bah, tu ouais, tant mieux, bah, c'est normal, après c'est un live action, c'est comme le film Dragon, c'est comme quand il fait voilà. les Rois Lions et tout, quoi. Du coup, inutile ces putains de films. Bah, si, au moins. Pour faire de l'argent. Voilà. Ouais, voilà. On peut pleurer un petit coup, tu vois, et tout. Fin... Et t'en as un autre ou vraiment c'est que Lilo et Stitch qui te fait pleurer? J'ai rien d'autre qui m'a fait pleurer dernièrement. T'as perdu un proche, mais ça non plus, ça t'a pas touché plus que ça. C'est vraiment Lilo et Stitch. Quoi. J'ai vu la zone d'intérêt, tu vois, mais j'ai triple pleuré par exemple. L'anniversaire non, parce que ouais, il est triste, mais pour les cadeaux. Voilà. C'est différent les zones d'intérêt. De quoi donc, Kylian? à l'anniversaire de ta copine, quand elle a ouvert les cadeaux, c'était un peu émouvant. Pourquoi tu pleures quand les gens ouvrent des cadeaux, toi? Bah non, mais peut-être qu'elle a pleuré et que bah oui, coup, elle a fait pleurer. Pas moi. Ah non, mais ça va. Ouais. Peut-être. Non, non, ça va. Le maire de Agde qui lui offert les cadeaux, quoi. Donc, Non, non, j'ai pas pleuré, désolé. Bah, génial. Ok. Et toi, Julien, du coup, t'as reco? Moi, j'en ai plusieurs. Là, vous avez parlé de cinéma, donc ça me fait penser à Kramer contre Kramer. Moi, j'ai chialé pendant un bon quart d'heure avant, enfin, genre, toute la fin du film, globalement. Qui est d'une tristesse abyssale. Ça parle d'un couple qui divorce et il y a un enfant qui était élevé par sa mère beaucoup et son père était très pris dans son travail, machin. Il divorce et, enfin, pas il divorce, mais la mère se casse du jour au lendemain et après il divorce, quoi. Et du coup, lui, il apprend à élever son fils, tout ça. Bah, c'est beau de ce que tu fais. Et pardon, puis voilà, la fin est beaucoup trop triste. Voilà, c'est avec Dustin Hoffman et Meryl Streep. Et voilà, ah ouais, c'est, voilà. C'est magnifique. D'accord. Et ensuite, j'ai, moi, les trucs qui me font pleurer. Moi, vous me savez, je suis un fan des Jeux Olympiques et je pense que je pleure une fois par jour environ. Quand je regarde les Jeux Olympiques, tellement il se passe des histoires, tellement t'apprends à aimer des gens. Très fort, et j'ai notamment une image JO de Londres 2012, je me rappelle très très bien. Florent Manaudou gagne l'or, exploit extraordinaire aux 50 mètres, bref, il explose tout le monde et personne s'y attend. Et comme vous le savez, Florent Manaudou n'est pas le seul de sa famille à avoir nagé, Laure Manaudou a une carrière compliquée, énorme championne également. Elle avait arrêté sa carrière quelques années avant, il me semble, et il gagne l'or, surprise totale. Elle, en plus, il me semble qu'elle, je sais plus si elle commentait ou bref, on la savait un peu dans les parages. On la voit descendre dans les tribunes, descendre vers la piscine, en larmes évidemment, aller câliner son frère. Et le commentateur à ce moment-là, donc déjà tout le monde est en train de chialer, et il dit, il a l'or autour du cou. Et là, moi, pas mal, moi, pas mal. Parti. Ah ouais. Et ouais, je pleure à chaque fois, moi. C'est, enfin, il attendait que ça, le commentateur. Ouais, je te jure. Il a sorti la phrase du siècle pour moi. Et voilà, les JO aussi, dernier JO, la course folle de vélo au Keyring, enfin c'est pas du Keyring, c'est un autre truc de vélo en piste, mais Benjamin Thomas qui tombe à la 10e minute et qui va chercher l'or quand même en allant, je sais pas, il fait une course folle, on comprend rien à ce sport, mais les commentateurs aussi sont en folie, il y en a un qui est fou, qui calcule tous les points à la seconde alors que les points sont incalculables et qu'on comprend rien, il fait « Et si, il va pouvoir le faire et tout, il est en moitié en train de chialer parce que c'est son pote et tout, enfin, ça aussi, ça me tue à chaque fois. » Ouais, c'est en deux sports en fait, t'aimes bien. Mais j'ai un peu pareil, il y a pas longtemps, ça m'a fait penser. Quand Charles Leclerc gagne le Grand Prix de Monaco chez lui donc, voilà, c'était émouvant, tu vois. Le prince qui lui tape sur l'épaule, qui lui dit bravo et tout, on est tous fiers de toi ici, enfin c'est rare, quoi. Il y avait aussi le basket, la finale des meufs où on y croit jusqu'au bout et aussi cœur brisé, enfin voilà, c'est environ une fois par jour que je pleure pendant les JO, donc voilà, une fois tous les 4 ans, c'est pas mal. Et bon, ensuite après, y a du monde entre temps qui peut aider. Ouais, mais ça, je pleure d'énervement, ça, face aux jeux. Et aussi l'enterrement de Jean-Paul Belmondo, avec où tout le monde l'applaudit quand il lève le cercueil sur la musique du professionnel de Ennio Morricone, une des plus belles musiques du monde, avec voilà, l'enterrement où tu vois tous les grands acteurs du cinéma français en train d'applaudir la légende, quoi. Et ça aussi, ça me fait pleurer. Et c'est magnifique. Et en termes d'enterrement aussi, j'en ai rien à foutre. T'as pas pleuré, donc. Non, mais autre gars que j'en ai plus ou moins rien à foutre, mais Johnny. Mais pourtant, son enterrement magnifique avec. Ouais, Jean Reno qui récite un poème choisi par les filles de Johnny. Magnifique aussi. Tu sens toute l'émotion du gars qui a perdu un de ses meilleurs amis. Et enfin, voilà. C'est, voilà. Puis c'était fort. Fais chialer, ouais, putain. Souvenir aussi de la mort de Michael Jackson aussi. Directement après, t'avais toutes les images, ça passait en boucle, l'enterrement, tout ça. Alors après, pareil, moins émouvant, on était plus jeunes et tout, mais... Puis il est pas mort, surtout, hein, je te rappelle. C'est vrai qu'il est sur une île avec Presley. Ok, bah écoutez, tout ça, c'est bien émouvant. J'espère que la communauté aura bien pris note de nos éléments. Et ouais, elle a été longue cette phrase. Elle était compliquée pour toi. C'était Raphaël Quenard qui l'a écrit. Et puis voilà. Et puis les gars, bah, je pense qu'on peut. On se dit à bientôt pour tout le monde. À très bientôt. Allez, je fais tomber mon téléphone de toute façon. Bah, c'est fini, allez. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Spotify, suivez-nous, mettez des notes, mettez des commentaires, partagez. Ouais. En bien ou en mal d'ailleurs. Oui, oui, même voilà, même des polémiques, voilà, déterrer les affaires politiques de Kylian, on s'en fout. On veut que ça parle de nous, bordel. Parlez-nous. À la merde à la fin. Et peut-être que du coup on créera un nouveau Spotify, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Peut-être, c'est blague, ça réfléchira. Ah ouais? Non, moi j'y pense, de créer un nouveau flux, bah, histoire si que... Si vraiment on a zéro écoute, c'est qu'on n'est pas mis en avant, si on n'est pas mis en avant... En même temps, l'algo, il y a le truc qui s'est endormi 4 ans... Et l'algo, il y a eu 5 ans de pause, ouais. Donc c'est pour ça... Ah, et aussi, l'algo, on a eu des problèmes de copyright aussi, peut-être que Spotify est un peu fâché contre nous à un moment, donc... Ah, au contraire, l'algo, il devrait voir des gens revenir, il devrait se dire, putain, il lâche pas l'affaire. Et ouais. Non, quitte à réupload les épisodes de... Oui, c'est ça, c'est ça. Ah. Sur la nouvelle. D'accord. Non, l'entrée des artistes, je pense, on les laisse comme ça. Et, mais on réuploaderait les... Oui, voilà, ceux existants. Ouais. D'accord. Non, mais ceux existants, ça, bien sûr, oui. Mais l'entrée des artistes, je me suis dit, peut-être on pourrait faire des... Ouais, quoi que non. Après, moi, j'ai un concept pour reboot l'entrée des artistes, mais... Bon, ouais, on en dit pas allez, plus. Allez, on... Mais je t'ai expliqué, allez, en plus, il est pas mal, le concept. Oui, mais ce sera sans Lucas et sans Ryan, donc ça sert à rien. Quoi. C'est le problème. Ce sera plus l'entrée des artistes. C'est le problème. Bon, allez. Bon, allez, des bisous. Allez, les gars. Salut. Des bisous. Allez, restez en forme. Ayez de lourds sujets. Allez. Ouais, gardez la pêche. La pêche.